C'est la rue aux chansons, c'est la rue de la joie, où dans toutes les maisons, sans rime ni raison, l'on chante à pleine voix. Dès le lever du jour, tout le monde est heureux, et chacun à son tour, dans le gris des faubourgs, invente du ciel bleu. L'on n'y rencontrerait pas les amours malheureuses. On s'aime, on ne s'aime pas, on s'embrasse, on s'en va, on chante et puis voilà. Vous les désenchantés qui pleurez sans raison, pour apprendre à chanter, venez tous habiter dans la rue aux chansons. On se serra un tout petit peu, il y en a pour trois quand il y en a pour deux. Luxe et confort, ça nous est bien égal, pas besoin de ça dans la rue aux cigales. C'est la rue aux chansons, c'est la rue de la joie, dans toutes les maisons, sans rime ni raison, l'on chante à pleine voix. Dès le lever du jour, tout le monde est heureux, et chacun à son tour, dans le gris des faubourgs, invente du ciel bleu. L'on n'y rencontrerait pas des amours malheureuses. On s'aime, on ne s'aime pas, on s'embrasse, on s'en va, on chante et puis voilà. Vous les désenchantés qui pleurez sans raison, pour apprendre à chanter, venez tous habiter dans la rue aux chansons. C'est la rue aux chansons.